presque incontrôlable. Où sont les mots? Les mots. Les mots. Les mots. Si je suis une pâte à pizza, s'il vous plaît, placez-moi sur une plaque en bois, s'il vous plaît, pas en métal, parce que le métal, ça rend l'homme comme l'animal. Non, c'est la boisson, ça rend l'homme comme un anneau. Là, on le cherche, l'anneau. Là. Où se trouve-t-il? Columbo, fais ta recherche. J'étais avec ma femme. C'est quoi, c'est une imitation de Columbo? Non, c'est son frère, moi. Moi, je suis Combo, me semble. Je suis avec sa femme, il sait pas. Il se fait tromper, Columbo? Ben oui, non. Je suis pas Combo pour rien, moi, là. Oh, Combo Pino. Combo pour deux. Oh, porno Pino. La poésie polarise tout. La nuit, elle réclame l'authenticité et le jour, l'efficacité. Elle se réserve le droit de se transformer. Ben, c'est pas ça qui est écrit. Bombo? Non, c'est Combo. Combo? Oui. Pouvez-vous faire la recherche sur ce drame? Ah, c'est pas un drame. Moi, j'ai élucidé le tout. Bon, et puis? Le tout se trouve dans le trou. Comme dans le beigne. Ah, mon Dieu, là, on m'a comparé une pâte à pizza, puis vous, c'est un beigne. Ben, c'est plutôt un beigne, parce que... Un beigne pas avec le trou, toi, c'est un beigne fourré. Oh, fourré à costard. Ah, mon Dieu, comme la Charlotte Mus. La poésie polarise tout. La nuit, elle réclame l'authenticité et le jour, l'efficacité. Elle se réserve le droit de te transcender. Et monsieur, oui, j'ai glissé sur le transcende. Oh, c'est transcendantal. Transcender, sans démagogie, sans gicler de prétention, simplement pour impressionner. Le négociateur, l'auteur, entre les mots et la formulation du sens. La poésie, un pays, un univers, quoi. Quoi? Avouer que le dedans me semble. Wow. Hey, depuis le 16 septembre 2013, j'ai ces phrases de Brigitte Fontaine, extrait de cette chanson exceptionnelle, Au diable Dieu, que vous entendrez intégralement dans quelques minutes. Non, c'est la semaine prochaine. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai, c'est vrai. Ah, j'étais toujours précurseur. Lui, il dit... J'ai fait Terrence Renadine avant que la radio existe. Là, j'avais écrit le scénario des ploufs, et puis, pouf, ça tombait à l'eau. Oh, diable Dieu. Oh, diable Dieu. Oh, diable Dieu. Ce vieux mafieux roi des picots, sec des escrocs, XXX d'ado, brûleur de vierge, lécheur de cierge. Serge Gainsbourg aurait été bien heureux. D'être un cierge. Cierge le cierge. Oh, cierge, v'là mon mari. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Hey, t'oubliais ça, les gens se disaient c'est du brésilien, ça. Ça sonne comme du brésilien dans ta bouche. Ah oui, c'est du soleil, hein? C'est du soleil dans ma bouche. Mais si tu chantes pas, là, on se croit même pas sous les nuages. C'est quand tu commences à la ritournaler, là. Ritournaler, la ritournelle. Qu'est-ce qu'on fait avec la ritournelle? Ben, on la tourne. Plus tu la tournes, plus elle chante. Plus elle chante, plus elle s'étourdit. Plus la musique devient effréné. C'est violent, ça. Hein? C'est des coups de micro. Ça fait du bien au temple. Au temple, le temple. Ah ouais, c'est, tu connais un peu là, l'intelligence humaine. C'est-à-dire que le tempo, c'est entre l'hémisphère gauche. Tu vois la matière grise, là? Bon, ben, il y a un petit noir à l'intérieur. Toi, c'est inexistant. C'est pour ça que quand tu me regardes, tu souris. Tu comprends pas, t'es là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? What's the song? On comprend pas. Il y a un sourire étrange, puis il y a les dents qui descendent. Il y a peut-être souvent, là, après quelques minutes, il y a un petit filament de balle. Alors, il faut placer un bol. Parce que ce qui coule là, ce n'est pas de la bave. Non, c'est de la médiocrité intellectuelle. Alors, faut faire analyser ça. Et à quel niveau il est médiocre? Ça coule. Ah oui, vas-y, on va analyser. Ce gars-là, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, c'est Goulou, gauche. Donc, la salive est totalement désorientée. Elle ne coule pas vers le bas, mais vers le haut. Mais la minute où elle le saura, qui ça? Ben, la salive, elle risque de faire comme le reste du temps, c'est-à-dire descendre vers le bas. Mais si vous lui dévoilez absolument rien, elle ne comprendra pas comment ça fonctionne. Donc, elle sera investigatrice de sa création. Normalement, c'est comme ça. C'est comme cela que tout créateur devrait fonctionner. Neutralité. Là, il faut mettre le seau. Quel niveau de neutralité l'individu se trouve? Arrête de dire individu, on dirait que t'es Claude Moirier. Hein? Il y a la première idée qui arrive. Là. Oh diable Dieu! Oh diable Dieu! Je crois que M. Gagné est en transe. Nous allons le laisser s'évaporer lui-même, comme le génie en herbe. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Les pages sont collées. C'est normal, il est avec Brut. Pas Brut Miller, Brut Miller, la fille d'Henry. Oh! Quelle belle soirée passera-t-il? Il va s'en souvenir toute sa vie. Comment cela? La gratte-elle. Oh! La gratte-elle. La qui? La gratte-elle. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. C'est, j'ai un nouveau porte-micro. J'ai embauché deux enfants. Ah, tu le blagues, c'est pas vrai, là. Pas les moyens financiers d'avoir je leur dirai plus. J'ai pas les moyens. Que ce soit enfant, adulte, là, on m'a dit, c'est trois quarts du prix, tu prends un enfant, il va tenir le micro pendant deux heures. Ben voyons, ça va jouer avec, ça va faire, je comprendrais pas, hein, bon. Punir un enfant à notre radio, ce serait inconcevable. Puis moi, trop gentil avec les enfants, puis j'aime bien raconter des blagues. C'est l'histoire de l'arbre qui un jour coinça un écureuil dans son tronc. Oh non! Jacques était là, pas très loin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait des wouwouwou. Oh mon Dieu! Des gros wouwouwou, des gros wouwouwou, des petits wouwouwou, parce qu'il n'y avait pas un gros sac. Eh non, à la maison, toutes ses amies étaient partis avec ses sacs. Ses beaux petits sacs de wow. OK, c'était pas des wow, c'était des OK, ben on comprend tout. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Le Néant Gagné. J'aime ça, on est bien parti. Je la sens bien, moi, là, cette émission-là, là. Nous voilà rendus au septième ciel. Il y en a combien, cieux? Cieux René Gaillet, cieux René Réré, cieux René Réro, Réré, oui. Nous sommes à combien des cieux? Là, on demande au professeur Billy Mann. À quel essieu nous sommes rendus, monsieur? OK, vous avez calculé depuis le début, là? OK, on vous dérange, là. OK, vous digérez votre 8 heures? OK, vous vous interrogez, là. OK. Existe-t-il? Ici, oui. Ici, oui. Si oui, c'est pas si oui. Mais non, c'est oui. Si oui, est-il en haut ou en bas? Admettons qu'il est en bas, là. Il serait intra. Alors, le cylindre, là. Parce que moi, là, allô, allô. Monsieur Grenier, allô. Moi, là, je l'ai vu, le cylindre. J'ai vu la lumière au bout du cylindre parce que je suis mort. Mais pas là, là, mais je suis mort. Moi, un jour, je suis mort. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Un jour? Oui. Je suis mort. Un jour, je suis mort. Ben, je était mort. Je suis était mort. Ben, pas là, mais avant. OK, vous avez déjà été mort. C'est ça. Alors, je suis mort. Ben, vous n'êtes pas mort. Ben, je suis déjà été. OK, vous êtes un ancien mort. Ben, ils m'ont dit, j'étais pas, mais presque. Il y avait le tunnel. Oui, OK. Une lumière. Oh, quelle couleur? C'était éclairé. OK. J'ai vu une main. La main m'a dit « Bye-bye! » Je dis « Attends, toi, je pensais qu'elle chassait la mouche. » La mouche. La mouche à feu parce qu'il était très éclairé. Très quoi? Très éclairé. Et puis? Là, j'ai vu la main qui m'a dit « Viens-t'en, viens-t'en. » Il y a le doigt là « Viens-t'en, viens-t'en. » Là, « Viens-t'en où, là? » Là, mais je me suis souvenu quand j'étais petit. Il a regardé si elle n'avait pas des bonbons dans sa main, lui-là, s'il n'y avait pas des bonbons. Puis il y en avait? Il n'y en avait pas de bonbons. Pas bonbon, je voulais pas. Non, faut pas que tu suives les gens. Non, je sais, bonbon, moi. Hey, bonbon, comme toi, là. Pas suivi, mais j'ai vu le tunnel. OK. T'es presque mort. Et puis? Là, je suis vivant. Ah! Oh. Qu'est-ce que t'as pris avant de voir ça, ce tunnel-là? Ben, j'ai pris la pizza. C'est toi, la pâte. C'était moi, la pâte? C'était toi. Ah, mon Dieu, je suis pas allocimogène. T'es allocimogène. L'ouvre-engène, le grand bien nous. L'oujan et le pepperoni, le fromage aussi, les champignons et tous les 350 dans le four à 20 minutes. Croyez-moi, on se régale. Mais on voit des tunnels de partout. Et on part pour la gloire. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons. Ambulance! Ambulance! C'est où? Ambulance! Ah, on va appeler. Allô? C'est où? Ben, c'est où? C'est êtes-vous là? C'est où? C'est où? C'est doux? C'est doux, c'est beau, c'est chaud. L'absurde aventure de l'errance, c'est quoi ça? Okay. S'ouvre à l'instant, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinéraire engagé, Rénal de Lenayant Gagné. Fait bien noir à soir. Soir, il fait noir, noir de chagrin, noir de ma vie, même possible. Et c'est bien ça. Moi, j'ai 4 octaves en même temps. Aujourd'hui, le vendredi 1er novembre. 1er novembre! Commence à faire froid, hein? J'ai le nez qui coule, les oreilles qui tombent et les oreilles qui s'échauffent devant autant de musique parce que je me place ça, moi, là, très serré dans le tympan, là. Mais le tympan vers le bas parce que j'ai les oreilles un peu plus hautes. Et là, je me dis, là, l'hiver va commencer. Mon plaisir risque de s'enivrer. J'aime ça quand tu fais froid. À mesure du 150, du moins 150, j'ai les lunettes pour. Ça casse pas ces verres-là. Là. Je les ai payés assez cher. Hey, j'avais une blague sur les verres. Est-ce qu'on peut trouver la feuille? Peut-être pas. Peut-être que oui, si je m'en souviens. Non, tu t'en souviendras pas. OK, on me met au défi. Ah oui, sans le savoir, là, votre rénal de service se veut un musicien. Oui, oui, oui, oui, un musicien. Il joue avec vos nerfs. Il a les yeux bleus et si joli, jongle avec ta vie. Il a la peau douce et triffe de ma fleur, tu joues avec mon cœur. Depuis que t'as vu, à tout moment j'ai peur, tu jongles avec mes heures. Pendant que je t'aime, je sais que tu m'oublies, tu joues avec ma vie. Tout le monde est jongleur, on joue tous avec la vie de quelqu'un. Et moi j'ai le cœur qui tourne et qui fait des bons. La boule du chanteur ne fait pas. Parlez entre vous pendant ce temps-là. On va trouver les lunettes. Monsieur le Président. Ah oui, on peut-tu dire la recette du punch planteur? Oh, peut-être plus tard si vous êtes gentil. Si vous mangez vos radis. La première, la fin. Oh, on est tout près de ma blague. Paraît-il, selon la raison que les demoiselles... Ah oui, bon, ça... On l'a pas mentionné. Oh, nous sommes tout près de ma... Et peut s'infiltrer, d'enregistrer... Ah oui, on l'a ici. Monsieur le professionnel de la lunette, si vous amincissez mon verre, vous épaississez ma facture. Puis la première option me satisfait. Car, entre épées, on s'entend bien. Verre rénal. Ah! Barman? Des Oscars. Des Oscars, c'est le but! Oui, monsieur. Le vendredi 1er novembre 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Merci. Alors là, j'ai remis le projo vers ma figure. Malheureusement, vous allez me voir sur Internet, là. Sur les Internets. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Marie-Claire Bozzi. Elle commence des études de médecine, puis de lettres. Elle apprend les claquettes et enseigne même cette discipline qui lui vaudra d'être engagée pour le rôle de Columbia dans le Rocky? C'est qui? C'est lui, là. C'est Rocky. Oh! Adrian! Rocky! Horror! Picture! Show! Elle est remarquée par Étienne Rodin-Gilles et signe son premier contrat d'artiste en 1980. Son premier simple s'intitule « Dyslexique ». Il se vendra à 500 000 exemplaires et sera un grand succès en 1981. La même année sort Insomnie, illustrée par une photo de Modigliano. Elle enchaîne les simples de Adrénaline et Adrienne. Pas loin, hein? Rocky puis Adrienne. C'est pas fou! Le lien! Au terme des années 80, Bozzi voit mourir son producteur Gérard Pedron et peu à peu, elle perd de vue son public, mais jamais elle n'a cessé de chanter. Bozzi est l'auteur de 8 des 13 chansons sur l'album Voie lactée de Sylvie Maréchal, paru en 2003. Octobre 2011, sortie de l'album Hommage tous Bozzi, 15 artistes rock et indépendants se rapproprient l'œuvre de la chanteuse. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit presque hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la chanson nous envoûter? Oui! Vas-y, tu dégueules, le sexe s'en reviendra. idiote. Le deal facile. Dans le paquet plus la fille. J'allongeais les dollars comme dans une série noire. Une fille derrière le bar balançait son regard. J'allongeais les dollars comme dans une série noire. Une fille derrière le bar, une fille aux cheveux noirs. Comme dans une série noire. Série noire. Ça va mieux? Ça va. Oui. Vous étiez pas dans le coin? Pas du tout. Non, vous êtes plus loin? Oui. Oui. Merci. Beaucoup plus loin. Ah oui? Oui. Voulez-vous quelque chose? Je veux bien un verre de rosé, s'il vous plaît. Eh bien, je suis très heureux de vous rencontrer enfin. Parce que j'ai essayé pendant 3 années. L'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Il y a 2 ans non plus. Je crois que vous étiez malade il y a 3 ans. Donc, non. Non, j'ai eu des décès dans ma famille, mais... OK, moi, ouais, c'est sans doute ça. Sinon, moi, je vous ai connu il y a quelques années par l'entremise de Serge Gainsbourg. Oui. Mm-hmm. Et... Il y a quelques années, donc. Oui, bien, écoutez, j'étais adolescent, donc... Et j'ai perdu mon feu. Vous avez du feu? Non. Étant non-fumeur, c'est très difficile, mais normalement, mon travail... C'est bon. OK. Donc, c'est ça, mais avant de connaître Gainsbourg, vous étiez étudiante en médecine? Oui. Quel est le lien entre la musique et la médecine? Il n'y en a pas, ce n'est que j'étais orientée comme ça et que je faisais beaucoup de claquettes. Et je suis rentrée dans une comédie musicale. Oui. Qui s'appelait le Rocky Horror Show. Le film s'appelait le Rocky Horror Picture Show. Oui, exact. Et ça a été remonté à... Pardon, sur Paris, en théâtre, et j'ai eu un rôle dedans où je chantais. Amandine, je crois? Non, Columbia. Ah, Columbia, oui, exactement. Et donc on m'a dit... Non, mais vous aviez quel âge à cette époque? Voilà, j'avais 17 ans, 17 ans et demi. Et 18 ans, voilà, et on m'a dit, non, mais tu vas chanter. J'ai dit, moi, j'ai jamais chanté. Et il y avait des musiciens derrière, qui jouent en live. Et ils ont trouvé ma tonalité, j'ai commencé à chanter, j'ai trouvé ça assez sympa. Je faisais cette comédie musicale pendant, je sais pas, 6-8 mois. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, parce que comme je sortais avec un des musiciens du Rock Your Picture Show, un musicien français, qui jouait dans cette comédie musicale, je le voyais composer des trucs comme ça à la guitare, parce qu'il était guitariste. Et moi, j'ai une formation de pianiste parce que ma grand-mère était pianiste. OK. Et j'ai dit, moi aussi, c'est simple, tes conneries. Je vais louer un piano et moi aussi, je vais faire de la chanson. Rigoler, hein. Mm-hmm. Mais vous aviez une formation, donc c'était pas trop compliqué de... Disons que ma grand-mère m'avait appris à jouer du piano. OK. Donc je jouais du piano. Mais je savais pas... OK, par oreille, comme on dit chez nous. Pardon, oui, mais je savais pas faire une chanson. OK. Mais comme je voyais l'autre qui faisait ses chansons, machin, etc., avec la guitare, je dis, ah bon, d'accord, OK, tu vas voir, moi aussi, je vais le faire. J'ai loué un piano, à l'époque ça coûtait vraiment pas cher. C'est un espèce de piano droit comme ça. Et j'ai commencé à faire des chansons, dont Dyslexique. Oui. Et il m'a dit, c'est vachement bien, tu devrais présenter ça à une maison de disques. À l'époque on avait qu'un petit Revox, on avait fait des maquettes complètement pourries. Donc je vais voir un directeur artistique d'IMI. Et je tombe pile sur Étienne Rodagil. Et voilà. Bon, d'où c'est dans l'ordre chronologique de ma feuille. C'est merveilleux, OK? Là, pour le moment, vous avez tout correct. Là. Vous avez réussi votre test. Et c'est ça, Rodinger, c'est en 80. 80, voilà. Il écoute, il me dit, oh là là, tes maquettes sont vraiment pourries. Pose. Okay. Sur un Revox, on ne savait pas vraiment bien le faire. Moi, je vais m'occuper de toi, mais on va simplement te faire jouer au piano et tu chantes en même temps, point barre. On te demande plus de maquette. Et ton pote, là, il viendra avec la guitare. Ok. Et donc, j'ai été dans une maison de disques dans laquelle il avait pris contact pour moi. Il y avait un éditeur et puis une maison de disques, c'était BMG. Et j'ai joué au piano et mon pote de la gratte. Et 10 minutes après, enfin, ils ont, un quart d'heure après, ils se sont réunis, ils ont dit bon ben on te signe. Voilà. Ah, ça, comme ça. Ça fait très conte de fait, mais à l'époque c'était possible, maintenant. C'était comme ça. Aujourd'hui c'est terminé. Ouais, c'est terminé ça. Mais Rodin Gilles, par la suite, vous a encore suivi ou Non, il m'a trouvé évidemment cet éditeur et cette maison de disques. Après, on est restés potes longtemps, on se voyait, mais enfin, il savait que j'étais auteur-compositeur, donc il a jamais forcé pour m'écrire des chansons. Il a fait ça de façon très très généreuse. C'est okay. Pas pour, mais il voyait qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Voilà. Okay. Et puis avant que sa femme ne décède d'ailleurs, il avait un concept pour moi de me faire un duo avec Barbara. Et ça s'appelait Bébé. Parce que Buzy. Oui. Bah, puis en plus Brigitte Bardot. mais c'était à quelle époque, Bébé? Oh là là, c'était. Je sais pas, c'était. Il y a bien 15 ou 18 ans. Quoi. Ah, il n'y a pas si longtemps. Mmh. Puis Barbara, elle était au sommet. Elle n'était pas décédée encore. Non, elle était au sommet. Voilà, il avait ce concept-là. Et je lui dis, ah, mais Étienne, c'est super. Enfin, moi, je trouve. C'est lui qui allait écrire. Génial, les... oui, mais c'est lui qui faisait le truc, là. Et moi, c'est marrant, il me comparait beaucoup à Gérard Manset. L'homme que l'on entend, mais que l'on ne voit pas. Voilà. Et à un moment donné, il voulait produire. Il a vu ma carrière, il a vu que j'avais fait des tubes, des physicals, machin, etc. Ouais, ouais, enfin, ouais. Adrien, il m'a dit, mais toi, il faut travailler à la Manset. J'ai dit, bon, ça m'intéresse parce que j'aime pas du tout la promo, donc... Non, oui, c'est ça, mais j'adore Manset. Mais j'adore Manset. Okay. Ah, oui, mais lui, il travaille dans son studio seul, voilà. dans ses trucs, dans ses boîtes, dans ses sons. Voilà. Et, parce que là, ce que l'on fait, t'aimes plus ou moins ça, là. Pardon? Cette rencontre-là, tu aimes plus ou moins? Non, non, ça va. J'aime pas trop les télés. J'aime pas trop attendre pendant des plombes et des plombes dans la loge. Okay. J'aimais pas trop les télés, quoi. Mais la radio, il n'y a aucun problème, puisque... Moi, j'en ai même fait, alors. Oui, oui, effectivement. Un été sur France Inter. Oui. J'ai adoré ça. Oui. Mais pourquoi tout ça n'a pas été reconduit? Bah, parce que, si tu veux, pour ce qui est de France Inter... L'été, ils prennent des initiatives. Ils font des essais. Ils font des essais. Qui voilà. Serait peut-être bon à l'automne. Oui. Enfin bon, moi je crois qu'ils ont une grille qui est un peu plus large l'été. OK. Ils font des essais. Moi j'avais une belle tranche. Hein. C'était le samedi à 5h. Oui, c'était excellent. Parce que nous pouvions le prendre encore aujourd'hui sur Internet. Mais j'adorais ça. From the underground. Faucher les blés, apprendre à manier la fourche pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle a coupé, la gorge irritée. Je mets pour monnaie sans broncher. Angora, Angora, montre-moi d'où vient la vie. Où vont les vaisseaux maudits? Angora, Angora, sois à soi, sois encore à moi. suis assis de charme les sapins. J'y peux rien, j'y veux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Souffle coupé, la gorge irritée. Je mets pour mon nez, sans broncher. Angora. Angora, montre-moi d'où vient la vie. Où vont les vaisseaux maudits? Angora. Angora, sois la soie. Sois encore à moi. Sois un peu à moi. Comme le mentionnait Jim Morrison, là, attention. Le futur, c'est de revenir dans le truc. On va revenir dans le truc, mec. Je te le garantis. Appelle Bimbo. Nous l'attendons à la porte. Siège 17, coffre 23, drill 12. Drill 12, bingo! Non, non, non. Le plus dur, c'est de revenir dans le truc. On revient dans le truc, on revient dans le truc. Ne crains pas, mec. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Je commence à avoir un petit problème avec le pied du micro. Attention! Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher! S'ils viennent vous chercher, là, dites-leur le mot de passe. CKRL, carte de membre 25$ pour une année. Vous avez des rabais intéressants derrière la carte, sur la carte, partout sur la carte. Avec elle, vous ne perdrez pas la carte. C'est bon! C'est bon, c'est doux, c'est chaud, il y a du soleil chez mon voisin. Il y a du soleil puisqu'il a sa carte de CKRL. Attention, Facebook. C'est vrai, lui, là, il rayonne. Pourquoi il rayonne? Madame Thibodeau a fait son enquête pendant 2 ans et demi. Il se promenait avec un gaminet étrange, là. Elle lisait des codes. Je suis sûr que c'est un. Il est dans une organisation. Et elle a appelé le FBI. Puis ceux en chevaux, là, c'est quoi? Les HFOBI. Mais non, c'est la GRC. Mais là, la vraie GRC, là, elle arrive à le... Là, c'est ça, c'est le cheval. Là. Puis là, en arrière, il y a un autre cheval dont il y a des chevaux. Puis là, on étudie le bonhomme très discrètement. Là, il y avait 18 chevaux devant sa porte. Hey, c'est bien bizarre, ça. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, là. On est là pour examiner la nature. Hey, 18 chevaux, presque sur mon terrain. On n'est pas sur votre terrain. Monsieur. On l'a fait zoner, puis on n'est pas sur votre terrain. Je sais. Vous êtes devant moi. Vous m'examinez. Ah, non, non, on regarde le paysage. Ben oui, le paysage. Chez moi, le paysage. Non, non, vous avez... C'est quoi ce beau gaminet-là? Gaminet, ils ont pas dit gaminet, ils ont dit T-shirt. Qu'est-ce que c'est, ce T-shirt-là? Ah, oh, hey, ça, là... C'est CKRL. C'est qui? Prends ça en note. C'est une organisation. C'est quoi CKRL? Ben oui, oui, oui, oui. C'est une radio communautaire à Québec. La plus vieille radio communautaire francophone au monde. Ouais. OK, ouais. Ça réside où, ça? 405 3e Avenue. Appartement. Il n'y a pas d'appartement. Ah, ça, c'est louche. Il n'y a pas d'appartement. Il n'y a pas d'appartement. C'est louche! Hey, là... Tous ces chevaux-là sont partis. Direction Limoilou. Ça, c'est des chevaux qui marchent dans le temps-là. Hey, là, le bonhomme appelle. Le bonhomme, le membre de CKRL appelle CKRL. Hey, il y a des chevaux qui arrivent vers vous. Là. Hey, mon ami, le grand président. Voyons donc, c'est une blague, ça, c'est Renal. Ben non, c'est qui ça? Ben Renal, on connaît pas de... Ben non, non, écoutes-tu CKRL? Oui, c'est ben, l'émission du jeudi à 23h59. Ah non, moi, les pétés, j'écoute pas ça. Les fêlés, j'écoute pas ça. Les mêlés, j'écoute pas ça. J'écoute pas ça. Ben non, mais voyons! Hey! Arrête plus, prends pas ça personnel. Je prends pas ça personnel. Pas parce que je pleure que je prends ça personnel. Le futur, c'est de venir dans le truc. Alors, en venant dans le truc, les chevaux s'arrêtent au 405 3e avenue. Il n'y avait pas de couche, ces chevaux-là. Il n'y avait pas de couche. Ils lâchent aller de la chenouche. Là, à un moment donné, la nuit arrive. Les chevaux repartent. Là, ils ont fait leur enquête. Ils voient, c'est cohérent. La plus vieille... Bravo, ils se font embrasser. La GRC, ils se font prendre en photo. Clic, clic, clic, clic. Merveilleux. Puis là, ça passe dans les journaux mondiaux. Puis là, les chevaux devant une station de radio. Là, c'était drôle. Là. Les enfants riaient. Les oiseaux gazouillaient. Mais là, il y avait des crottes un peu partout. Là, sur la 3e avenue à Limoilou. Puis la nuit, ben, c'est underground. Qui dit underground, dit underground. Il y a des filles, des péripatéticiennes. Qui dit péripatéticiennes, il y a des vendeurs de péripatéticiennes. Ils ont mis ça dans des petits sacs, puis ils vendaient ça. Là, c'est quoi, c'est une nouvelle dose? Ah ouais, tu sniffes le sac 3-4 fois, là, tu vas partir. Tu vas virer à droite, tu vas halluciner, tu vas faire... Tu vas chercher du foin. Ben voyons d'autres, oui. C'est la chanson de Jacques Brel, Quand j'étais cheval, c'est presque ça. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Le plus dur, c'est de venir dans le truc. Je pense qu'on est dans le truc, là, hein? Là, ici, maintenant. Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. J'ai mal au poignet. Mal au poignet du haut puis du bas. C'est quoi ça? Ben, les chevilles, ça c'est poignet du bas. Puis en haut, c'est poignet du haut. Les mains. Moi, étrangement, moi là j'ai le bras, puis j'ai les poignets, puis j'ai les doigts. Je suis pas comme tout le monde, moi là. Puis là, j'ai les jambes, là. J'ai les chevilles, puis j'ai les doigts de pied. Hein, c'est unique, moi, là. Je suis un unique personnage. Tout le monde est le même, ben ouais, OK. Alors, la première phrase de Bukowski, c'est Danforth. Danforth suspendait. Moi, de l'anglais, là. Ah, c'est... Danforth suspendait les corps un par un après les avoir passés dans l'essoreuse. On la connaît, celle-là, ben oui. Là, il est tordé. On voulait pas passer à Canal D, là. On s'est dit, on va chasser toutes les preuves. Qu'est-ce qu'ils disent à Canal D? Ils disent, les doigts, là, les c'est quoi? Ben, c'est des doigts, c'est, ouais, quand on pige, là, c'est, les identités. À volonté. Non, c'est, l'ADN. Oui, il y a l'ADN, puis il y a aussi les doigts, là, l'épiderme. Epiderme. Minem, hein? Terme. Ferme. OK. Terme. La ferme. Et donc, on voulait bien passer dans les soreuses, là. On était gênés. Qu'est-ce qui est arrivé? On le sait plus. On s'en souvient même plus. On se réveille. Tout le monde était là. Passe-moi ça, les soreuses. Et ça mijote dans l'eau depuis 3h15. Ça sent un peu la... L'eau prédigérée. Oh mon dieu, c'est mieux que les hamburgers pré... Oui, ça, c'est de la moulée de clown. On n'aime pas ça, la moulée de clown. Pourquoi? Parce que la moulée de clown, ça fait pas juste rire, là. Ça nous fait rendre ridicule. Alors, hey, tu l'arrêtes, là. On n'arrête pas ça de même, là. OK, oui, c'est ça. Alors, on tordait. Puis plus on tordait, c'est la même chanson. OK. Plus on tordait... Plus on se la tordait, on se disait, c'est drôle, les gens. Mais là, c'est pas vrai, là. On les faisait pas passer comme dans les presses, histoire de les envoyer en purée. Ah, ben voyons donc. On s'amusait ensemble, là. Puis ils se réveillaient là-dedans. On les filmait. Après ça, on regardait ça, puis on se trouvait drôle, là. Ben, en fait, les gens, nous qui les avons essorés, eux, les essolés. Les ruisselés, les quoi, les cinglés, nous ont trouvé un peu moins drôle. Le lendemain matin, il n'y a pas juste mal à la tête, hein, il y a mal aux membres. Il y a là, t'as presque cassé le tibia. Ben voyons, hey, c'était mou, ça là, c'était des éponges qui tournaient là-dedans. Ça veut dire que t'as le genou mou. Le genou mou, connais-tu ça, toi, le genou mou? Le genou mou. s'en va dans l'ombre. L'ombre de son ombre. C'était un ombre indescriptible. C'est surtout incontable. Un ombre, là, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'un plus un fait deux. Font deux. J'ai hâte que ça se fonde dans la masse, ça, moi, là, cet hiver-là, là, pour que ça dégouline tranquillement, puis là, on dise « Ah, oh, c'est le printemps! » Détente, c'est le printemps! Avant de passer par là, faut le vent, faut le froid, faut la neige, faut tout ce qui nous rend vivants et heureux, là. J'aimerais faire une émission irrationnelle là, cette année, sous la neige. Bien, sur la neige. En pleine tempête de neige, braquer mes affaires, brancher ça, puis vous lancer mon émission, là. Avant de lancer l'émission, on va lancer la musique. Et puis le titre de Bukowski, c'est pas la meilleure, c'est La machine à essorer les tripes. On a fait du boudin. À l'époque, il y a eu un changement de boss d'Inter. Et quand j'ai été le voir, je lui dis, parce qu'elle marchait vachement bien l'émission, elle était très précurseur. Ça s'appelait comment, non ? Parlez-moi de moi. Et j'invitais tous des spécialistes de développement personnel, de coaching, Vous avez même rencontré un Québécois, un psychanalyste québécois, non ? Comment ça s'appelle ? Qui a eu un cancer récemment, malheureusement. Un psychanalyste, non ? Comment il s'appelle ? Ah, merde, le nom, j'ai pas. Mais c'est lui, hein? Un peu Alzheimer au niveau des noms. Oui, oui, oui. L'Alzheimer, c'est le fléau, malheureusement, tu sais. Non, mais j'ai pas. Oui, mais vous l'avez rencontré, en tout cas, oui. Oui, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, bon, je découvrais tout ce qui était technique de développement personnel. J'invitais des gens formidables en PNL. C'était très, très, très précurseur. Corneau. Oui, Corneau. Oui, c'était très. Vous l'avez rencontré? Oui. C'était très précurseur. Mais quand j'ai été voir le nouveau boss, j'ai dit oh, « Est-ce que vous me prenez pour la grille de la rentrée ?» Et tu sais ce qu'il m'a répondu ?« Buzy, je pense que ça serait bien que tu retournes dans la chanson. » Incroyable. Incroyable. Il faut être culotté. Hein? Donc, mon expérience radiophonique s'est bornée à 2 mois pendant les vacances. 2 mois et demi, oui. Voilà. C'était extraordinaire. Puis en plus, on peut les télécharger, je crois, si on va sur le site de France Inter pour les gens. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu des trucs pas possibles. Hein. J'ai eu Marie Laforêt, j'ai eu Moustaki, j'ai eu Ricazaraï, j'ai eu Jean-Charles de Castelbinjac, j'ai eu. Comment s'appelle celui-là, là ? Enfin, je ne m'en rappelle plus, mais... Enfin, bon, bref, j'ai quand même eu des beaux clients, quoi. Enfin, ce qu'on appelle des beaux clients. Oui, oui, oui, c'est ça, des gens qui ont quelque chose à dire. Voilà. Et qui peuvent enrichir une émission. Ouais, c'était super. Vraiment, j'ai adoré ça, quoi. Est-ce que c'est suite à ça que vous êtes recentré vers... Absolument. Oui? Ah, c'est après l'émission, après cette émission. Ça a été extrêmement déclencheur. Okay. Et j'avais rencontré un garçon qui... Un psychothérapeute. Psychothérapeute. Oui. Et ça a été extrêmement déclencheur. Et j'ai voulu absolument... dans l'émission, il y a une femme que j'ai invitée, qui est la papesse à Paris de ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la PNL. Et elle m'a offert une formation en PNL. Parce que, voilà, c'était vachement sympa. Hein. Oui, oui, effectivement. C'est cher. Hein. Oh, oui, oui, oui. Mais ça consiste en quoi ? Bah, ça s'appelle programmation neurolinguistique. C'est des techniques de restructuration d'histoire de vie, de... Au départ, c'est des Américains qui avaient trouvé ça pour aider les commerciaux à vendre leur bordel. Ah, leur salade. Leur salade. Donc, ah, oui. C'était Accrocher, se synchroniser au niveau gestuel, par exemple. OK, la façon dont je me pose. Voilà, et okay. Puis se synchroniser au niveau gestuel, okay. Et puis se synchroniser au niveau du débit aussi. Mais toi, après ce cours-là, est-ce que tu fais attention lorsque tu me parles de... Ah, c'est devenu automatique. OK. C'est devenu totalement automatique. Oui. Alors, bref, c'est la façon de se présenter à quelqu'un. Oui. Et aussi de savoir comment l'autre va nous percevoir à travers ce que l'on va faire comme geste. Voilà. Et ça peut devenir complètement... C'est quand même... C'est ce qu'on appelle une... C'est du non-verbal, quoi. Oui, oh oui. Enfin, on peut voir que les politiciens, lorsqu'ils se coupent la tête... Évidemment, si tu veux, quand moi, je suis psychothérapeute depuis maintenant 11 ans... Quand j'ai des jeunes femmes qui arrivent et qui sont comme ça... OK, fermées. Donc, complètement fermées, quoi. Ouais. Je dis non, ouvrez les bras, quoi, c'est pas possible. C'est intéressant, quoi. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Mais effectivement. Mais ça, est-ce que parce que la musique, vous avez dérivé dans ce milieu-là pour remplacer la musique? Non, c'est parce que j'étais passionnée par ça. Suite à cette émission sur France Inter, je suis complètement dingo, parce que j'étais obligée, dans la semaine... de faire un casting de tous ces gens. Alors, morphopsychologue, PNListe, analyste transactionnelle, hypnose, on va pas t'incouffin. Quand tu tapes sur le bras, là, kinésiologue, ah ouais. Etc., etc. Et il y en a beaucoup qui ne savaient pas parler. Enfin, qui ne savaient pas bien parler. Quoi, devant un micro. Devant un micro, ce qu'elle me racontait, moi, je comprenais rien. Donc, okay. Ah oui. Je disais, bah non, là, c'est pas possible. Donc, toute la semaine, j'en castais. Okay. Je l'ai venu venir chez moi, j'ai dit bon bah alors c'est bien, vous allez m'expliquer votre technique. Ah, en fait, c'était comme une préparation. Voilà. Okay. Et moi, ça m'a rendu complètement dingo parce que je trouvais ça génial. Okay. Et à la suite de ça, j'ai dit non, moi ça me passionne trop, je vais me former. Okay. Et c'est comme ça que je suis formée. Ah, mais c'est formidable. Mais est-ce que vous avez abandonné, est-ce que tu as abandonné la chanson? Non, parce que j'ai continué à faire la musique. Il y avait eu l'album Daily. Oui. Il y a eu l'album Border Love. Exactement. Et puis l'album Au bon moment, au bon endroit. Puis là, il y a eu un tribute qui est sorti où il y a 15 jeunes qui ont repris mes chansons. Exactement. Mais je voulais en venir à tout ça. Mais parce que là, on a peut-être un peu transcendé rapidement. Mais c'est un peu la rétrospective de ce que je voulais. Il faut pas me brancher sur la psycho parce que là, je viens dingo. Je deviens dingo. Oh, oui, mais je vois ça. Non, mais on voit qu'il y a quand même le professionnalisme. Non, mais moi, j'adore. Mais est-ce qu'on peut dire que Border Love est un retour pour toi ou, Non, parce que l'album Daily, j'ai adoré. Il était beaucoup plus sombre, plus underground, plus. J'avais été le faire moitié aux États-Unis. Je l'avais fait quand même avec un mec très pointu, puisque c'est un jeune mec que j'avais rencontré qui, entre-temps, est devenu l'arrangeur de Placebo, qui est devenu une grosse pointure à Londres. Et qui s'appelle Dimitri Tikhovoy. J'ai 40 ans, puis je trimballe au passé en travers. J'ai pas de lunettes, mais ça fait rien, même si je vois pas clair. Je suis un vieux hippie, l'hiver comme l'été. J'essaie pas de changer le monde, j'essaie rien que m'ajuster. Y'a du monde qui me dit que j'suis rien de bon, j'fais rien de ma vie. J'fume du pot le matin, j'me saoule l'après-midi. Oh, pareil comme mon vieux chien qui est couché au soleil. Moi, j'ai pas d'argent, mais je suis content, pareil. J'ai 40 ans, pis je trimballe au passé en travers. J'ai pas de lunettes, mais ça fait rien, même si je vois pas clair. J'suis un vieux hippie, l'hiver comme l'été. J'essaie pas de changer le monde, j'essaie rien que m'ajuster. Des fois le curé vient parler à TV. Il veut que j'envoie de l'argent pour sauver mon esprit. Il me dit que Jésus a marché sur l'eau, ça je crée ça quand même. Mais des fois je pense que le curé aimerait marcher lui-même. J'ai 40 ans, pis je trimballe, je vais passer en travers. J'ai pas de lunettes, mais ça fait rien, même si je vois pas clair. J'suis un vieux hippie, l'hiver comme l'été. J'essaie pas de changer le monde, j'essaie rien que m'ajuster. Pourquoi que les filles qui sont pauvres veulent tout le temps se marier? Pourquoi que les filles qui sont riches veulent tout le temps chasser? Un robineux, une gorgée de vin, un fou, il veut des jours. Moi, je ne veux rien en tout, mais je prendrai une petite tôle. J'ai 40 ans, pis je trimballe, je vais passer en travers. J'ai pas de lunettes, mais ça fait rien, même si je vois pas clair. J'suis un vieux hippie, l'hiver comme l'été. J'essaie pas de changer le monde, j'essaie rien que m'ajuster. Down. qui a d'ailleurs travaillé. Tu l'as pratiqué, hein? Oui. Pour le dire. Tu l'as pratiqué pour le dire parce que c'est pas facile à dire. Dimitri Tikhovoy. Oui, ben bravo. Deux fois en plus. Et d'ailleurs, il a travaillé avec un chanteur canadien parce que moi, j'avais sorti ce disque-là, il était sorti au Canada. Mmh. Et je lui avais fait rencontrer un chanteur canadien dont le nom. Québécois ou canadien? Non, canadien. Un français qui chantait un peu comme Gainsbourg. Ah, mais c'est un Québécois? Non. Ah, je sais, Stevie Shock. Stevie Shock. Mais c'est un Québécois, c'est pas un Canadien. Ah, c'est un Québécois. Oui, il faut faire attention. En tout cas, on est encore sur le travail entre le Canada et le Québec. Le Québec est francophone, le Canada est anglophone. Donc, nous, la première ministre est du Parti québécois. Donc, on va travailler dans les mois et les années à venir à s'autogérer. Donc, d'accord. À devenir un pays. D'accord. Le Québec sera bientôt un pays. D'accord, génial. Oui, oui, alors on y travaille fort. Vous voulez dire vive le Québec libre? Oui, mais oui, comme disait un certain De Gaulle. Mais alors, je commence déjà. Ben, ça fait longtemps, moi, que je prépare ce changement de vocabulaire-là, de ne pas mélanger Québécois et Canadiens. Parce que même nous, on nous appelle aujourd'hui dans les livres d'histoire les deux solitudes. Oui. Avant René Lévesque, on nous appelait les Canadiens francophones et les Canadiens anglophones, donc les deux solitudes. Avec René Lévesque, on nous a trouvé un nom, les Québécois. D'accord. Et ça fait pas si longtemps, le 70, 1970. Et depuis ce temps-là, il y a eu un mouvement nationaliste dont je fais partie avec beaucoup de vivacité et de rage. Et donc, j'essaie de reprogrammer autrement le discours des Français vis-à-vis de nous, même les Belges et les Suisses. C'est-à-dire, le Canada, c'est un pays que je connais pas. Le Québec, c'est un pays qui m'appartient. D'accord. En l'occurrence, moi, pour en revenir, oui, j'avais donc présenté à... Oui, c'est Gainsbourg, effectivement. Voilà. Bon, Dimitri, il avait bossé avec moi sur l'album Délie. Agnès Bill le connaît très bien. Stevie Shull? Oui. Oui. Ouais. Bref, ils étaient produits. Elle a fait un album, hein, pour toi, une chanson pour toi dans ton album de reprise. Agnès Bill. Non, Agnès Bill. Oui, elle aurait pris une chanson où elle a travaillé avec une autre sur, peut-être avec Clarica, sur une chanson de toi. Ce sont tes 15 chansons, là, des reprises de... Comme des papillons? Exactement, exactement. Vachement grand, oh, oui, mais parce que j'ai rencontré il y a 2 ans Agnès Bill qui m'a dit qu'elle était sur ce projet-là. Ah oui, ben voilà, tu regarderas sur ton disque. Moi, j'avais demandé à Clarica de le faire, mais... Oui. Oui, Clarica, une fille extraordinaire. Alors, d'ailleurs, qui a fait une version magnifique. Tout épuré, tout pur, tout joli. Oui, mais on va y revenir. Alors, on va repasser à ce que tu disais avec Stevie Shock. Bref, oui, j'ai branché Dimitri Tikhovoy avec Stevie Shock, qui était produit à l'époque par un mec qui s'appelait Alain Dupuis. Oui. Et qui avait sorti l'album Délie au Québec. Au Québec. C'est bien. Excuse-moi. Oui. Non, c'est au bien. Au Québec. OK. Ah, ben c'est. Et puis, oui, mais ben. Moi, j'en ai entendu parler. Je l'ai vu chez Archambault, qui est un disquaire indépendant à Québec. Et il y a quand même eu une publicité intéressante. Mais je ne sais pas si tu t'es présenté à Québec pour le promouvoir. Okay. J'étais deux fois. OK. Et deux comment fois. Au Québec ou à Québec? À Montréal? À Montréal. OK, OK. Et comment tu as trouvé les gens qui t'ont accueilli là-bas? Moi, si tu veux, j'ai un rapport avec le Québec assez douloureux qui n'a rien à voir avec vous. Ok. Je veux dire, moi, je trouve, j'ai adoré. Hein. En plus, j'y suis allé une fois en été, une fois. Est-ce que je pourrais vous demander une cigarette? Je suis pas fumeur, malheureusement. Non, désolé. J'y suis allé une fois en été. C'était dur parce que les voitures n'avaient pas la clim. Okay. Et je disais, mais c'est incroyable, ils n'ont pas la clim. Avec une chaleur de gueux. Hein, mais c'est rare chez nous, les grosses chaleurs. Oui, mais il faisait très chaud. Ouais. Et une fois, j'y suis allée en été indien. Oui, c'est bien ça. C'était d'une beauté. Et là, on réécoute Joe. Magnifique. On réécoute Joe Dassin avec une autre saveur. Ah, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Mais le conflit avec le Québec, c'est? C'est que je suis tombée amoureuse d'un garçon. Ah, les hommes. Et qui était un Français et qui vit au Québec depuis maintenant presque une dizaine d'années. Donc, il faisait sans arrêt l'aller-retour Montréal, Paris, et c'est une expérience assez douloureuse. Ok, c'est. Et, parce que. C'est là, au niveau sentimental. C'est sentimental. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec. Avec la ville avec ou avec, la ville. Avec les gens. J'adorais parce que j'allais dans les ce que vous appelez vos garages. Garages. Oui. Garages. On appelle ça un dépanneur. Dépanneur, voilà. Oui. J'adore ça et puis. Et puis aussi, quand vous faites des ventes comme ça, des garages sels. Oui. J'adore. Oui. Exemple, on a des. Rencontres, tu vois. Oui. J'adore. Ben, j'ai un deuxième travail, c'est ça. Je suis commis de nuit dans un dépanneur qui ressemble un peu à Pigalle. J'adore. Oui. Alors. J'ai adoré, quoi. Mm-hmm. Mais bon, cette histoire d'amour a un peu flingué mon affaire, quoi. Et c'est pour ça que l'image que tu as du Québec est un peu noircie. Non, pas l'image du Québec, mais il est toujours... douloureuse. Quand tu penses au Québec, tu penses à cette douleur sentimentale. Parce que, bon, il est là-bas et que j'ai pas envie de le croiser au coin d'une rue. Mais quoi que le Québec est grand, et tu peux aussi venir faire un tour à Québec parce que c'est la petite France. Je ne connais pas. OK, c'est la petite France. Tu vas marcher dans le Vieux-Québec. Joe Dassin, il en a fait des chansons, mais c'est pas lui, mais c'est son parolier sur la ville de Québec, l'accent. Il dit que les rues ont l'air de prendre l'accent. J'adore les maisons, j'adore. J'étais déjà allée il y a très très longtemps parce que j'avais un ami médecin qui travaillait à Montréal et qui m'avait invité. J'étais partie et, en plein hiver. Et j'étais très très étonnée parce que je trouvais qu'il faisait moins froid qu'en France. Ça dépend à quelle année, parce que là, depuis 90, c'est... C'était avant. OK, ouais, parce que c'est rendu... les hivers sont à moins 40. Ben oui, mais là, je trouvais qu'il faisait moins. C'est moins assez sec. Alors qu'ici, c'est très humide, quoi. Au mois de décembre, janvier? Oui, c'est à peu près, oui. OK, mais à ce moment-là... J'avais adoré, j'ai trouvé ça magnifique. OK, mais t'as été chanceuse, parce que normalement, c'est plus rock'n'roll. Oui, mais moi, j'aime bien, j'ai adoré. J'aime bien. Et pour revenir à récemment, l'album que l'on t'a préparé pour toi, est-ce que tu as été approché avant ou tu as eu le résultat une fois terminé? De quoi tu me parles? Du tribute? Oui, exactement. Ah non, le tribute, je suis partie prenante dans cette affaire. OK. Au départ, c'est l'idée d'un mec qui a un studio et qui faisait beaucoup de prod indé. Oui. Et qui m'a dit, attends, c'est quand même étonnant le nombre de jeunes qui veulent reprendre tes chansons. Il en avait deux ou trois qui avaient repris. Il m'a dit, c'est vachement étonnant. Et pourquoi on ne ferait pas un tribute avec des jeunes qui reprennent des chansons? Et le projet m'a plu, évidemment. C'était assez sympathique quand même. Mais j'ai trouvé, c'est moi-même qui ai trouvé certains. Ah, tu as été les chercher? Oui, j'étais cherché. Parce que tu les connaissais? Certains, je les connaissais. D'ailleurs, je vais t'en présenter un là qui va venir tout à l'heure vers 16h. OK. Kirfa. OK. Et tu l'as rencontré grâce à ça? Non, je le connaissais avant. Mais c'est un mec génial et qui a monté un groupe aussi qui s'appelle Pepper Moon, je ne sais pas si tu connais. Non. Bref, voilà. Il chante en anglais? Non, il chante en français. OK. Mais le nom est en anglais. Oui. Pepper Moon, oui. Pierre Fa, c'est français. OK, oui, effectivement, c'est très français. Mais voilà, et ça a été... moi, j'ai trouvé que c'était une expérience formidable. Je n'ai pas du tout été directeur artistique sur l'affaire. OK. Hein. C'est eux, ils sont producteurs de leur propre titre, de leur propre version. Ils se sont réappropriés les chansons. Et moi, j'ai pas eu mon mot à dire, si ce n'est que dire j'aime ou j'aime pas. Enfin, globalement, j'ai adoré. Donc, okay. J'étais toute contente, je pleurnichais. Ah oui, tu étais vraiment émue. Très, très, très émue. À l'origine, toi, tu es née à Metz. À Metz, oui. Qui est quand même la plus vieille ville de la France, Metz. Très peu de gens le savent. Hein? Tu vois, moi, je sais pas. Ouais, ben oui, parce que lorsque j'y suis allé en 89, la personne qui m'a fait visiter était fière de me l'annoncer. Et très peu de personnes qui habitent là le savent. Que Metz, c'est la plus vieille ville. J'ai pas habité longtemps. J'ai habité 3 ans. OK, voilà. De 0 à 3 ans. OK. Mais c'est une très, très belle ville. C'est rendu extraordinaire. Même là-bas, j'avais ma grand-mère. Okay. Voilà. Mais là, toi, tu fréquentes plus cet endroit, c'est vraiment... J'ai plus personne là-bas. Quoi. OK. Mais tu n'as pas la curiosité d'y repasser pour voir... J'ai fait des... Quand je faisais de la scène, je suis passé plusieurs fois là-bas. OK. Donc, je connais bien la ville quand même. As-tu encore le goût de refaire de la scène, de refaire des chansons? Peut-être même pas un album, mais présenter des pièces musicales comme ça sur Internet pour éventuellement faire oui, des... Oui, il y a ça, mais là je suis en train de... Suite à ce tribute, j'ai écrit pour un groupe qui s'appelle La Bestiole. Ah, c'est bien ça. Je leur ai dit. J'aime bien le nom. Et là, ils sont en train de faire une tournée justement dans tout le Canada. Dans tout le Canada, ouais. Mmh. Actuellement. Sur, sur oui, Internet. Oui, oui. Ils font les francopholies de Montréal. Ah, mais là, c'est cette semaine. Là, mais ils sont... Ils oui, sont... oui, oui, c'est là, c'est cette semaine. Et j'ai écrit 3 chansons dans leur album. OK. La Bestiole. Donc, c'est une nana qui joue de la batterie, qui chante merveilleusement bien. C'est quoi, c'est rock, elle... c'est punk? C'est rock. C'est ah, rock. C'est bon, c'est bon. La Bestiole. OK. Et là, j'écris pour un jeune groupe, enfin, un jeune nom, ils sont pas jeunes, d'ailleurs, mais bon... Là, j'ai pas d'importance. Pas vieux non plus. Mais qui s'appelle les Candy Mountain, et là... Oui. J'écris pour eux, en okay. français, en français. Moi, j'ai vu sur ton Facebook que tu avais fait des liens, et donc je suis allé voir. Voilà. La curiosité, c'est j'adore, bien. J'adore, mais bravo! Oh, oui, c'est vraiment très bien. Been in love forever. When we got to the top of the hill, we saw a Rome burning. Just let you walk away. I've never forgiven myself. I saw you on the steps in Paris. You were with someone else. Couldn't you see that should have been me? I just walked on by. As you crossed the lane, and I never know where you're gonna be next, but I know that you'll surprise me. Come with me, I'll find some rope, I'll tie us together. I've been waiting for you so long, I don't. Just something about you. Took your photograph. I still have your smiling face in a heart-shaped frame. Snow down at Wheeler Street, just two old flames, keeping the fire going. We look so good together. Can we just stay there forever? We were so happy. I'd live that day over and over, but the world won't stop turning. When we got to the top of the hill, we saw Rome burning. I don't want to lose you. I don't want to lose you again. Don't want to lose you again. T'as le mascara qui part en vrille, ma fille. Qu'est-ce qui te rend si charbonneuse? Si c'est un homme, c'est pas la peine, ma reine. Allez, sois courageuse. T'es la plus belle des créatures, je t'assure. T'es absolument fabuleuse. Faut croire que ta mérite est pas un gars. Ne sois pas plus vieux, heureux. Maquille-toi, vas-y, c'est à toi. Et fais-nous rêver, le public est là. Vas-y, c'est à toi. T'as le mascara qui dégouline, frangine. Tu es fébrile, tu es nerveuse. Et dans ta linge saoulée à l'invodka, tu es comme comateuse. Tout ça pour un petit gigolo trop beau, il ne te rendra pas heureuse. Tu le sais très bien dans ton âme de femme. Allez, sois merveilleuse, heureuse. Maquille-toi, ainsi c'est à toi. Fais-nous rêver, le public est là. Vas-y, c'est à toi. Le rideau est tombé, remaquille-toi. Vas-y, c'est à toi. Et fais-nous rêver, le public est là. Vas-y, c'est à toi. C'est d'avant-garde, c'est quand même... Tu es une fille c'est qui... C'est trois. Tu vois, c'est une fille avec deux mecs. Oui, c'est ça. Mais toi, t'es vraiment une fille qui projette sur l'avenir et non pas nostalgique du passé. Non. C'est pour ça que j'ai un peu refusé... Et c'est pas très intelligent sur le plan financier, mais j'ai refusé de faire les plateaux RFM 80, machin, etc. Parce que je me suis dit que d'aller chanter en permanence dyslexique, Adrian Bodyphysical... Ça n'allait pas faire forcément avancer mon schmilblick dans ma tête, quoi. C'est juste pour les nostalgiques de l'époque, voilà. Des années 80. Bon, c'est pas très intelligent sur le plan financier, mais d'un côté, j'ai mon cabinet de psychothérapie, et de l'autre, j'écris pour des jeunes, et puis ils n'ont pas interdit que je refasse un album dans un an. Ou même quelques chansons. Puis là, j'aimerais savoir, avant de passer à mes questions, qui sont quand même assez pertinentes, je crois, j'espère, oui. Non, je regardais. C'est un micro? C'est un Wi-Fi, oui. Oui, c'est très intéressant. Mm-hmm. Ça enregistre en wave. Ah oui, génial. Ah oui, puis ça paraît rien, mais à l'intérieur, c'est croisé, c'est deux micros croisés que je vais te montrer quand je fermerai le truc. Mais normalement, j'ai deux micros, mais là, je fais tellement confiance. Il va bien depuis le début, donc j'ai dit, il ne me fera pas fausse route. OK? Mais j'aimerais savoir, avant de passer à mes questions, mes 10 questions, même j'en ai 12 parce qu'à chaque année, j'en rajoute une. Quel est ton lien avec Serge Gainsbourg? Mon lien avec Serge Gainsbourg, si tu veux, c'est... Je vais essayer de faire... Bref, je vais reprendre un verre, parce que là, quand tu me parles de Gainsbourg, si tu veux... Ouais, ça donne soif. C'est pas que... Ouais, vraiment. Si à chaque interview, j'ai eu droit à ça, donc toute ma vie... Ah, désolé, mais veux-tu qu'on passe à autre chose? Non, pas du tout, okay. Je veux dire. Moi, mais ça remonte, hein. C'était en 85. Ouais. Et j'avais écrit un texte qui s'appelait « I love you, Loulou ». Ouais. Et qui n'avait rien à voir avec Gainsbourg. Mm-hmm. Et je vivais à l'époque avec ce fameux garçon, là. rencontré dans le Rocky Horror Show. Il s'appelait Lucas, c'est un espagnol. Okay. Et je l'appelais Lulu. Aucun lien avec... Aucun lien avec Gainsbourg, et j'arrivais absolument pas à faire... Quoique Lucien Gainsbourg. Oui, mais ça... Ouais. Disons que ça m'est pas monté à la tête. Okay. Et j'avais été voir Bachung en lui disant « j'arrive pas à faire la musique ». Et je lui montre le texte. Au Lulu qui lui crée une autre histoire de cul. Et Bachung me fait un truc, mais c'était vraiment... Au Lulu qui... Ah oui, à l'époque de... Oui, oui, Vertige de l'amour. Non, je peux pas chausser ça, quoi. Je vais pas y arriver. Les blessures, un peu, ça ressemblait à plus les blessures. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il me dit, ah, bah, tu devrais aller voir le vieux Gainsbourg. Hein. Oh, bah, à l'époque, hein, ils étaient. Ouais, bah oui, ils avaient une expérience ensemble. Ouais. Et donc, j'ai appelé, l'autre, il m'a reçu, et puis ça a tilté. Sur vraiment... Verneuil, là. Ouais, je lui ai balancé le texte, et il me fait, ah, c'est marrant, quand j'étais petit, on m'appelait Lulu. Coïncidence. À cause de Lucien, parce que son véritable prénom, c'est Lucien. Oui, c'est Lucien. Moi, je n'avais pas du tout fait le lien, quoi. Enfin, moi, je sais pas, j'avais quel âge, j'avais 26 ans, un truc comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il me dit, hein? Non, mais le monde est petit. Et c'est comme ça que vous vous êtes connus, et... mais ça s'est arrêté là, ou au contraire, ça s'est passé? Ah non, ça s'est passé pendant longtemps, mais on est devenus potes, machin, etc. Mais bon, il m'a respecté en tant qu'auteur-compositeur, parce qu'à l'époque, je faisais parler de musique. Et... Il m'avait proposé plusieurs musiques, il n'était jamais content. Puis à la fin, c'est moi, j'étais tellement énervé de la relation que j'avais avec lui que je me dis, j'étais là sur mon piano comme une démente. Vas-y. Je lui ai montré et j'ai fait une autre chanson pour lui qui s'appelle Gainsbourg. Et il est venu en studio mixer les choses. Et il m'a tiré le portrait, comme il dit, pour la pochette. Et c'est devenu Gainsbourg. Et c'est devenu Gainsbourg. En 80... 86. Oh, ok. C'est durant la sortie de Love on the Beat. Voilà, c'était absolument. Ah oui. Hey, j'ai 10 questions intéressantes. Puis toi qui es présentement dans ce milieu-là, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Si tu étais un liquide. Une eau gazeuse. Ok, laquelle? Tu peux me faire... Oh, je sais pas, j'aime bien la badoie. Pourquoi? C'est pétillant, c'est rafraîchissant? Oui, ça me plaît bien les eaux gazeuses, moi. Et ça étourdit pas l'esprit? Pardon? Ça étourdit pas l'esprit? Non. Voilà, c'est bien. Si tu étais une ville? J'ai adoré Bangkok. Et tu la visites souvent ou c'était... Non, je l'ai visitée 2-3 fois. Et puis je suis retournée récemment, enfin il y a 2-3 ans, j'ai moins aimé. Mais pourquoi? Il y avait eu un changement drastique? Ouais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de pollution, beaucoup de bruit, beaucoup de... Mais moi, j'ai adoré l'Asie, quoi. J'ai pas mal été en Asie, j'ai fait une quinzaine de voyages en Asie. J'ai adoré la culture asiatique, j'aime les Asiatiques. Ça me plaît ce qu'ils mangent. Ça te rejoint un peu la philosophie asiatique. Voilà, ça me plaît. Ça m'a beaucoup marqué. Jusqu'à un moment donné, je voulais aller vivre en Asie d'ailleurs. Mais, puis ça m'est passé. Ah oui, heureusement, sinon nous ne serions pas ici. Si tu étais une langue, as-tu beaucoup de flashs comme ça, d'envie que tu ne réalises pas? Attends. Personne ne s'occupe de moi. Je voudrais un verre de rosé, s'il vous plaît. L'envie que je me suis... En général, j'ai réalisé toutes mes envies. Ok. Je veux dire, même si c'était des opportunités comme la radio, là. Oui. A priori, je ne savais pas que je voulais faire de la radio. Hein, On est venu me chercher. Enfin, c'est moi qui, à un moment donné, a dit « Putain, ce serait quand même bien, une émission de radio. » Et j'ai construit l'émission de radio. Okay. Et je savais pas si j'étais douée pour ça, quoi. Ah, c'est toi qui as proposé. C'est moi qui ai proposé, oui. Ah. Ils t'ont dit peut-être qu'il y aurait une plage horaire. Non, j'ai fait une démo. OK. Et à l'époque, j'avais un attaché de presse qui s'appelle Bernard Novet-Josserand. J'ai dit, je veux un bon client pour la démo. Parce que je parlais maintenant, tu sais, moi je parle comme les gens de radio maintenant. Je suis un bon client. Et il m'amène Eric Chardin. Je dis, attends, tu exagères quand même, c'est pas cool Eric Chardin. Il me dit, mais si c'est un très bon client, tu vas voir. En plus, il est bouddhiste, sa mère est bouddhiste. Et effectivement, l'émission a été géniale. Et ça, c'était un démo. C'est une démo qu'on a fait à la maison chez moi. J'avais fait venir des intervenants en thérapie, machin, etc. Et avec un invité vedette. Et j'ai présenté la démo, et la démo a été prise tout de suite. Alors, coup de bol. Ça leur a plu. Coup de bol. Si tu étais une langue. Ben, le français, j'adore le français. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans cette langue-là? Tout. La subtilité des mots, la richesse de toute la richesse de la langue française. Ben, je suis un auteur, hein, mm-hmm. Donc j'adore le français. Ben, c'est. As-tu des auteurs fétiches? As-tu des gens que tu réécoutes, que tu admires? Dans la musique? Oui, dans la musique. Ben, oui, ben, j'aime ce que fait Jean Fauque, bien évidemment. J'ai bien aimé ce qu'a fait Pierre Grillet aussi. Bon, Gainsbourg, ça on le sait. J'aime bien ce que fait Armand Méliès actuellement. Oui, oui. Il a fait une chanson avec Alain Bachaud. Mmh. J'aime bien les trucs un peu subtils quand même. Ok. Ben Bachaud, il était quand même assez subtil. Très subtil. Oui, surtout vers la fin. Oui, très subtil. Ah oui, il était. Oui. Musicalement aussi. Oui. C'était. Si tu étais une époque. Je pense que les années 80, je dis ça sans aucune nostalgie. Ah ouais, c'est ça. Mais c'était quand même vachement bien. Mais est-ce que tu étais dans le tumulte des années 80, avec tout ce que ça comportait à l'époque quand on était artiste en 80? Bah, le tumulte. Moi, j'étais en plein succès, donc c'est quand même une époque bénie. Quoi. Mm-hmm. On vendait des disques, ouais. On allait faire des voyages de promotion à La Réunion, aux Antilles, que sais-je. On faisait des clips avec de l'argent. Ah oui, oui. On avait des avances sur royalty. Mais c'était aussi c'était aussi assez difficile pour certains. C'était pas une époque. Ouais, je sais, tout le monde me l'a dit, mais moi pour moi, c'était très facile. OK. Puis physiquement, par. Il n'y avait pas de sida. Enfin, le sida, il est arrivé. On a commencé à s'apercevoir. À la fin des années, oui. 86-87. Ouais, hein. C'était. Puis on était. C'était l'apologie de la différence. On ne portait pas de marque. On détestait les marques. On allait, enfin, moi, personnellement, j'allais m'habiller à Londres, dans les puces de Londres, où je trouvais des trucs à zéro balle. Et il ne fallait pas me parler de marque. Hein. C'est, et que toi, tu étais underground. Ben ouais, c'était vraiment. Mais à l'époque, personne ne portait de marque. Aujourd'hui, au contraire, c'est devenu avec les rappeurs. Maintenant, il faut des marques. Oh oui, pour. Il faut être complètement. Tu vois, c'est complètement normalisé, tout est normalisé. Ouais. À l'époque, il fallait qu'on soit différent. Et c'est ça qui était génial. C'est ce qui manque aujourd'hui. Hein? Bah, oui, tout le monde est pareil. Mmh. Puis surtout, quand on s'en va avec un style musical, on veut ressembler à l'autre. Ouais. Donc, on va plus dans les sentiers un peu plus reculés, un peu plus audacieux. Oui, j'ai adoré les années 80 pour ça. L'explosion des radios libres. Je voulais te dire une chose, c'est KRL, la première radio libre francophone au monde. Toutes les radios libres québécoises, sont, françaises, belges et suisses, sont venues voir comment on faisait à Québec, à CKRL, pour ensuite, trois à quatre ans plus tard, revenir avec les engins, avec les mixeurs, avec les tracks, avec les pistes, pour recréer ça dans les studios. Il y a un esprit, hein, c'est donc, génial. Donc, ça vient de Québec, de CKRL, la radio sur laquelle je fais des émissions. Ouais, je suis très heureux de le dire aux gens parce que la radio libre n'est pas venue ici par magie. Elle a commencé chez nous, à Québec. Ah, c'est marrant parce que je sais que la première radio libre, c'était Radio 7. Oui. Après ça, il y a eu le Carbone 14 qui était extraordinaire. Ça, voilà. Moi, j'ai été lancé par Radio 7. OK. C'est Radio 7 qui a fait le succès de Dyslexique. Et par la suite, les autres radios libres ont suivi? Non, pas à l'époque, c'était pas encore vraiment. C'était que Radio 7. Okay. Et après, les réseaux RTL, Europe, France Inter ont pris le relais. OK. Mais eux qui n'étaient pas libres, là. Non. France Inter était la radio d'État. Voilà. Et toujours la radio d'État. Non. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la